fenêtre, je tombais amoureuse avant de te connaître. Ses bras étaient ma douce chaîne et son regard me captivait. Et mon corps attaché au sien était l'esclave de ses mains. Avant de te connaître, je tombais amoureuse. Avant de te connaître, j'étais enchaîné par ses bras, prise captive auprès de lui. J'étais près de tout.